Bonjour à tous, très chers auditeurs, bienvenue sur Radio Gémozo avec les secrets de Mathilde pour un instant santé-bien-être au naturel. Parlons bien-être, parlons permaculture. Vous avez certainement déjà entendu parler de la permaculture. Ce concept a le vent en poupe, mais de quoi s'agit-il exactement ? La permaculture, c'est une démarche, une philosophie. Le but est de prendre soin de la nature, des hommes et de partager équitablement. Autrement dit, concevoir des cultures, des lieux de vie autosuffisants et respectueux de l'environnement et des êtres vivants. Comment ? En s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. Une éthique et beaucoup de bon sens. Les trois piliers de la permaculture sont prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement les ressources. Mais attention, elle ne se résume pas à l'agroécologie. Aujourd'hui, on cherche à créer une culture durable, permanente, en prenant en compte tous les domaines de la vie humaine. La permaculture est avant tout un état d'esprit. Le partage, l'échange, l'entraide, la convivialité et l'esprit d'équipe sont au centre. Au second plan, c'est une technique de jardinage. Avec elle, pas de travail du sol, ni d'arrachage d'herbes indésirables, quasiment pas d'arrosage grâce au paillage. Et puis, bien sûr, aucun emploi de pesticides ni d'engrais chimiques ou bio. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. L'idée est de reproduire la forêt dans son potager. En 2002, David Holmgren, l'un des cofondateurs de la permaculture, tente de résumer cette idée dans un ouvrage. Permaculture, principe et approche au-delà du développement durable. Pour lui, la recherche d'équité, de coopération et de durabilité peuvent s'appliquer à tous les domaines. Les monnaies locales, l'enseignement à la maison ou le recyclage sont aussi essentiels que l'agriculture biologique. Ce n'est pas une mode récente. Le livre fondateur, la Bible de la permaculture, date de 1978. La permaculture a donc plus de 30 ans d'existence et d'expérience. Sans compter qu'elle se fonde sur des principes vieux comme le monde, comme l'observation minutieuse de la nature. Dans les années 70, les deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, participent à l'émergence de la conscience écologiste. Ils font un constat simple. L'agriculture industrielle menace la biodiversité et la fertilité des sols. Il faut donc créer et développer des systèmes agricoles stables et résilients. La permaculture n'est donc pas une nouvelle méthode de jardinage. La permaculture est une culture sur but, peut-on lire sur le site monpotager.net. Mais pas vraiment, même si le jardinage reste la meilleure mise en pratique de la démarche permacole, créer sa production, viser l'autonomie, partir de l'échelle locale, valoriser la diversité d'un lieu, les buts ne sont donc qu'une technique parmi tant d'autres. La permaculture est une philosophie concrète, dont les concepts se vivent dans les petits gestes du quotidien. Finalement, chacun fait de la permaculture sans le savoir. Pendant plus de 20 ans, les fondateurs de cette démarche ont eu à cœur de transmettre leurs connaissances. Ils ont mis en place de nombreux outils, dont le plus connu est le design. Dans le jargon des initiés, design signifie conception, réalisation, maintenance et réévaluation d'un espace en observant et en identifiant les atouts, les contraintes du lieu. Chaque élément doit se retrouver à sa place la plus judicieuse, pour qu'il n'y ait ni gaspillage ni perte d'énergie. D'après une étude en cours menée par l'INRA, donc l'Institut Régional de la Recherche Agronomique, à la ferme du Bec-et-Loing en Haute-Normandie, 1000 mètres carrés cultivés en maraîchage bio permaculturel permettraient de créer une activité à temps plein. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site de la ferme du Bec-et-Loing, c'est www.lafermedubec.com. Aujourd'hui, sans doute galvanisés par l'effet de mode, les formations se multiplient et des recherches sont menées pour prouver l'efficacité d'un point de vue économique et agronomique de telles structures. Pour aller plus loin sur ce sujet passionnant, je vous invite le samedi 10 novembre à 20h30 à la Maison des Champs, au Val d'Ajol. Nous vous proposons une conférence sur la permaculture animée par Thomas Defranoux, dit Hitman, permaculteur et hygiéniste. Je serai de la partie et serai ravie de vous rencontrer. Je vous répète, le samedi 10 novembre à 20h30 au gîte de la Maison des Champs au Val d'Ajol. Je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez-moi tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Gémozo. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.